Analyse du 26 avril 2023. Thierry Pirlo, Sherpa One. Le cas Valérie Bugeaud. J'aimais bien écouter Valérie Bugeaud avant 2020, avant qu'elle se croie, tout comme Macron l'original, sortie de la cuisse de Jupiter. Le Macron remplacé, je veux dire l'acteur, est vraiment un artiste et mérite le Molière et le César. Allons, soyons fous. Il mérite même l'Oscar. Je déteste les sachants, pseudo-intellectuels de telle ou telle université, imbus de leur personne et qui font la leçon à tout le monde, même si vous pensez peut-être qu'il en va de même pour moi. Pour ma part, je n'ai ni la science infuse, ni la prétention de vouloir éduquer mon prochain devant une quelconque caméra de télé ou sur YouTube par de longues et ennuyeuses interviews. Diplômé du secondaire, je suis un autodidacte, curieux et déterminé, doublé d'une âme de patriote résistant. Ma mission est d'éveiller les gens. Même si mes écrits suscitent parfois colère et indignation chez certains et certaines, quand ça touche à leurs idoles, qu'ils suivent aveuglément sans avoir fait de recherche sur leur historique. Pour le reste, qui m'aime me suivent. J'ai beaucoup travaillé pour y parvenir, et j'en ai payé le prix sur ma vie personnelle. Je suis à cette heure certain d'approcher la vérité de bien plus près que Valérie Bugeaud, et sur toutes sortes de matières, hormis le droit, où elle se revendique experte, y compris sur la géopolitique et la fraude du nom légal. C'est une avocate, écrivaine qui certes a fait beaucoup de choses, mais jamais aucune à fond, excepté peut-être son mémoire de thèse sur la théorie juridique unifiée à la fin de son cursus universitaire. Elle est là, à chercher sa place au soleil du nouveau monde, tout en oubliant qu'elle a œuvré pour l'ancien. Ce n'est qu'une avocate sans compétences particulières, si ce n'est celle d'une maîtrise en droit à Paris-Sorbonne, au lieu de l'éducation des futurs cancrelats de la République. Elle se situe dans la mouvance des Pierre Hillard et Soral, que j'appréciais également, même si à présent je ne suis pas vraiment en mesure de les classer, ou pas, dans la catégorie des opposants contrôlés. Ça m'énerve néanmoins de voir qu'on la classe dans la mouvance complotiste, vu qu'elle ne reconnaîtrait même pas un message de Q si elle en voyait un. Il n'y a d'ailleurs aucune comparaison en matière de connaissances géopolitiques entre Bugeaud et les Soral-Hillard. Bien que Hillard me déçoive fortement depuis peu, se cantonnant dans sa vision trop historique de l'état profond, sans reconnaître la véritable histoire américaine Q, qui est en train de foutre en l'air le Deep State US, ne leur en déplaise. Voir qu'elle est classée par Conspiracy Watch dans la mouvance de la dissidence française conspirationniste me conforte dans l'idée qu'elle fait partie du cheptel de l'opposition contrôlée, comme ses petits copains, copines, infectiologues et généticiennes, en plus d'être écrivaine, bien sûr. Rajoutez à cela qu'elle fait préfacer son livre par le père Péronne et qu'elle est amie avec Henrion Code, vous avez la jolie photo de famille. Nous avons là un beau nid d'opposants contrôlés qui regroupe, entre autres, Valérie Bugeaud, membre de l'association Bon Sens, aux côtés de Martine Vonner, Xavier Azalbert, François, Alexandra Henrion-Cohn, Christian Perronne, Sylvano Trotta, Gérard Guillaume, etc. De son côté, Martine Vonner a été parfaite dans son rôle durant la crise. Je vous rassure, il en manque encore beaucoup. La France est le chancre de l'opposition contrôlée, qu'il soit opposant contrôlé pour le fric, sous la menace ou sous un compromat, chantage sexuel, je n'en ai rien à cirer. Mais ce qui est certain, c'est que l'opposition contre les Françaises est aussi raffinée que subtile, et sa structure est technocratique et complexe. Je dirais même que c'est du grand art à la française et à la Richelieu. Sa composition en mille feuilles a permis d'infiltrer tous les niveaux de la dissidence populaire à des moments clés et bien précis, en allant des Gilets jaunes, qui est une invention Mossad et DGSE, à la crise Covid et surtout post-Covid, pour amoindrir les responsabilités politiques, nous délester de nos derniers sursauts d'espoir ou de vengeance, et surtout nous ôter toute velléité de rébellion. À un tel niveau, on serait même tenté de les remercier. Ils sont même venus jusque chez nous en Belgique pour s'occuper de notre opposition contre les Belges une fois. On n'en demandait pas tant. À vrai dire, j'ai bien plus de respect pour une Karine Lacombe, vraie salope de combat au service de ses maîtres durant la crise Covid, que pour des Henrion Code ou des Bouygues qui se la jouent fine et retorse, genre Marie Curie au retour de Lourdes. Pour moi, ce sont des hyènes dangereuses car indétectables, revêtant leur costume de femme, de mère, intelligente et diplômée, reconnue socialement et dotée d'un grand cœur, qui joue à merveille l'empathie et le sentimentalisme. Du coup, c'est à chaque fois un crève-cœur, sans mauvais jeu de mots bien sûr, comme une double peine d'être déçu à nouveau par ces gens en qui on avait réappris à avoir confiance. Je me rends compte d'ailleurs que quand j'aborde la problématique de l'opposition contrôlée féminine, je me heurte très vite à une grosse résistance, voire à une totale opposition de la part du sexe dit faible, sans doute par solidarité de genre. Alors que dans ce débat, les hommes restent minoritaires, comme si pour eux, l'aptitude des femmes à la trahison n'était pas chose surprenante. Macron l'a dit et répété en 2020 que nous étions en guerre. Mais la majorité des gens ne l'ont toujours pas compris. Et tant qu'ils resteront dans l'émotionnel, ils seront vulnérables et pas prêts d'enfiler leur cotte de maille et mener un combat digne de la pucelle d'Orléans. Dans mon monde, c'est ami ou ennemi. Il n'y a pas 50 nuances de gris. Enfin, si, il y a des grands gris, mais ça, c'est une autre histoire. Je suis donc en guerre, tout comme Macron, à la différence que ce taré est déjà mort. Ça fait sans doute un reptilien en moi. Voici une analyse de Valérie Bugot sur la fraude du nom légal. Cette histoire de fraude du nom légal, FDNL, revient à aligner le droit sur le rapport de force qui s'est imposé de fait par la tricherie, la corruption et la malversation, à nier et effacer 1500 ans d'histoire qui ont pourtant permis à la civilisation européenne de se développer sous le fallacieux prétexte que ce droit et les principes qu'il véhicule ont été attaqués et dévoyés. Cela revient également à uniformiser partout dans le monde un véhicule juridique à l'idéologie commercialiste, à valider la loi du plus fort, c'est-à-dire la loi de la jungle, notion exactement opposée au droit, lequel concept est tout au contraire apparu pour ordonner la vie en commun en subordonnant les comportements individuels à un principe de responsabilité, de réciprocité, de recherche de vérité et de justice. L'acte de naissance est un acte d'état civil qui permet à la collectivité, le groupe organisé sous forme d'État, au sens politique du terme, de reconnaître les individus qui le composent. Autrement dit, l'État civil est une partie de l'État politique qui lui permet d'organiser la vie en commun. En droit civil, la personne physique dispose de droits qui lui sont conférés par sa naissance, laquelle est actée à l'état civil, ce qui se traduit par l'existence d'une personnalité juridique. Les droits sont des attributs conférés par la personnalité juridique résultant de l'inscription de la personne physique à l'état civil. Le numéro de sécurité sociale n'a rien à y faire. Il est évident que le droit continental est, dans son principe même, copieusement attaqué par les tenanciers économiques qui utilisent le droit anglo-saxon, ses méthodes et son idéologie. Le fait d'être attaqué ne justifie en aucune façon de devoir se détourner de notre droit historique, qui a permis à la civilisation occidentale d'exister et de se développer. Tout au contraire, la meilleure défense contre les prédateurs consiste à réinvestir notre droit historique et à en revaloriser non seulement les principes, mais aussi et surtout son application pratique. En résumé, la fraude au nom légal n'existe pas et ne peut exister dans notre droit latin ou continental. Elle ne pourrait éventuellement être prise en compte que dans le droit anglo-saxon ou maritime, qui n'est pas en application chez nous. Clair, net et précis. Ma réponse à Valérie Bugeaud. Mouais. Petite analyse de situation. Nier 1500 ans d'histoire, c'est ce que je suis en train de faire depuis 5 ans justement, en redécouvrant notre vraie histoire, en suivant Roxoker au Tartarian History notamment. Et depuis peu, Majestic 12, qui, dans son extrême complexité, transforme les certitudes de Valérie Bugeaud en une barbe à papa aussi grande qu'une montgolfière. De plus, la seule alliance que Bugeaud connaît est sans doute celle qu'elle a au doigt. Ne parlons même pas de Kyo. Petite question à Valérie Bugeaud, doctorante, est-ce état profond et fraude du nom légal? Pourquoi la Belgique a-t-elle un numéro ciré, comme pour une société? Pourquoi en est-il de même de tous les pays européens? Pourquoi l'école Linda Harlon, ou professeur Manu Herbin, a-t-elle également un numéro ciré, la classant de fait en société? La seule chose pour laquelle je rejoins cette dame, c'est le fait qu'il ne faut pas confondre le droit continental avec le droit anglo-saxon. C'est ce que je raconte depuis 2020, m'appuyant sur la démonstration faite par le sergent Horton, sous-officier de la Navy, dans sa vidéo de 2 heures. Pour le reste, si tous les anglo-saxons se font emmancher par la fraude du nom légal, j'ai un peu de mal à croire que les Européens aient échappé à ce foutage de gueule généralisé. Et pour finir, si Washington DC est, comme on le pense, une corporation séparée des États-Unis, alors toute la théorie de Bugeaud se casse la gueule. Wait and see. Sherpa One.